Comment expliquer la faillite des services secrets américains qui n'ont pu ni prévoir ni prévenir les terribles attentats du 11 septembre 2001 ? Et cela, malgré les moyens financiers et matériels considérables dont ils disposent. Leur crédibilité a été gravement mise en cause, et pas seulement aux États-Unis, où le président Bush a d'ailleurs décidé de procéder à une vaste réorganisation des systèmes de sécurité. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi la CIA en particulier a-t-elle connu un échec si retentissant ? Il y a déjà longtemps que je voulais en parler avec M. X. L'occasion m'en a été donnée cette semaine avec l'anniversaire de la plus grande action terroriste jamais commise. Pour mon interlocuteur qui a si souvent évoqué les interventions de la centrale américaine dans le monde, il faut, pour bien comprendre, remonter aux années 70. La CIA, mais aussi l'ensemble du monde du renseignement aux États-Unis traverse alors une crise sans précédent, une crise morale qui va durablement affecter les services secrets et compromettre leur proverbiale et redoutable efficacité. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in line. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells are ringing, fill the air. I swear to cross on my calling. On wheels of fire, I come rolling down here. Come on up for the rising. Garden of a thousand sighs. There's holy pictures of our children dancing in a sky filled with light. May I feel your arms around me. May I feel your blood mixed with mine. A dream of life comes to me like a catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow, dream of love. Sky of love, sky of tears, dream of love. Sky of glory and sadness, dream of love. Sky of mercy, sky of fear. Sky of memory and shadow, dream of love. Your burning wind fills my heart tonight. Sky of longing and emptiness. Sky of fullness, sky of blessed light. Come on up for the rising. Come on up, lay your head to mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Après les événements du 11 septembre, On a expliqué la faillite des services américains en disant qu'ils avaient privilégié le renseignement électronique au détriment du renseignement humain. Oui, c'est tout à fait juste, grâce à leurs grandes oreilles électroniques. Oui, le réseau échelon. Oui, c'est ça. Mm. Donc, grâce à ce système qui permet de capter à peu près toutes les communications dans le monde entier, les Américains pouvaient penser qu'ils étaient à même de prévenir toute action hostile dirigée contre eux. Et c'était oublié que les ordinateurs, aussi puissants soient-ils, doivent trier quotidiennement une masse énorme d'informations. Et ils fonctionnent, je crois, en repérant un certain nombre de mots-clés. Et en faisant ensuite des rapprochements. Mais lorsque les terroristes, par exemple, utilisent un langage codé, il leur est difficile de s'y retrouver. En outre, derrière les machines, il faut des hommes, des analystes, qui sont seuls capables d'interpréter les informations fournies par les ordinateurs. Et il arrive que cette analyse ne produise ses fruits que bien longtemps après l'enregistrement des informations. Mais trop tard, vous voulez dire. J'ajoute que ce fameux réseau échelon a surtout été conçu pour effectuer de l'espionnage économique pour le plus grand profit des entreprises américaines. Au détriment de la lutte contre le terrorisme. Par exemple. Enfin, il y a ce que vous appelez le renseignement humain. Les hommes sur le terrain, quoi. Oui. Or, depuis des années, la CIA avait réduit de façon drastique le nombre de ses officiers traitants à l'étranger. Pire, de nombreux agents expérimentés avaient été purement et simplement remerciés. Et comment vous expliquez ça? Je vous l'ai déjà donné en partie, cette explication. Les bureaucrates de l'anglais. L'anglais, attendez, c'est le siège de la CIA. Oui. Préciser. Donc ces bureaucrates faisaient davantage confiance aux renseignements technologiques qu'aux renseignements humains. Mais il y avait aussi chez eux de la prudence, sinon de la frilosité. Oui, frilosité, pour quelle raison alors? Parce que depuis les années 70, la CIA, officiellement en tout cas, réduisait progressivement ses activités à l'étranger, de peur d'être accusée de fomenter de mauvais coups. Oui. Attendez, vous avez dit officiellement. Hein. Bien entendu. Sous Reagan et sous Bush, père, la CIA était très active. Mais on a toujours pris soin d'utiliser des faux-nés. Car la centrale était désormais en liberté surveillée. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Avant d'entreprendre une action clandestine, elle devait d'abord demander l'accord d'une commission parlementaire. Enfin, vous le devinez, cette disposition réglementaire a été très souvent tournée. Souvenez-vous de l'affaire des Contras. Enfin, ça n'est qu'un exemple. Oui, d'accord. Mais, je crois qu'on revient, moi, aux années 70. Que s'est-il passé exactement pour que la CIA soit placée en liberté surveillée, comme vous dites? Au début des années 70, il y a d'abord le scandale du Watergate. Attendez, laissez-moi me souvenir. La CIA est compromise dans cette affaire? Bien sûr. Des agents de la centrale y ont joué un rôle éminent. Vous connaissez la vérité sur le Watergate? Oui. Bon, enfin, si vous le voulez bien, nous en parlerons un autre jour. Oui, ça j'en prends acte. Hein. Toutefois, je peux d'ores et déjà vous dire qu'indirectement, c'est l'affaire du Watergate qui va ouvrir une brèche dans la citadelle de la CIA. Une brèche fatale. Faut quand même être un peu plus précis. Hein. Oui, enfin, brièvement alors. Parce que nous y reviendrons... En 1973, si ma mémoire est bonne, le département américain de la justice apprend qu'un des plombiers du Watergate, un ancien de la CIA, est aussi mêlé à une curieuse affaire de cambriolage. De quoi s'agissait-il alors? En 1971, un document ultra-secret du Pentagone sur la guerre du Vietnam avait été divulgué. Et ce document était très embarrassant pour Washington. Et à l'initiative de Richard Nixon, la CIA avait essayé de discréditer l'auteur de la fuite en faisant cambrioler son psychiatre. Pour y pêcher le dossier de ce type, là? Naturellement. Or, l'auteur de cette action illégale était ce même homme qu'on retrouvera dans l'affaire du Watergate. Alors, conséquence? Quand le département de la justice est informé, c'est la panique à la CIA. Oui. Mais vous m'avez dit que c'était un ancien de la CIA. La centrale n'était donc pas directement compromise? Peut-être. Mais enfin, ça ne pouvait pas faire illusion très longtemps. C'était l'agence qui était derrière cette affaire. Or, à l'époque, en 1973, je vous le rappelle, la CIA a un nouveau patron. James Schlesinger. Un spécialiste du renseignement? Pas du tout. Mais il est épaulé à la direction des opérations par, lui, un vrai pro, William Colby. Mm-hmm. Colby qui lui succédera d'ailleurs assez rapidement lorsque Schlesinger sera nommé secrétaire d'État à la Défense. Ce Schlesinger, donc, arrive à l'anglais avec des idées bien arrêtées. Pour tout dire, il n'a pas une grande sympathie pour la CIA. Mais c'est quand même une curieuse attitude pour un homme qui est justement chargé de la diriger. C'est vrai. Enfin, d'une part, Schlesinger n'apprécie alors pas du tout les coups tordus que la CIA est régulièrement accusée de commettre. D'autre part, il estime que la centrale constitue une caste. Trop souvent, ses membres n'en font qu'à leur tête. Il arrive et puis il veut mettre de l'ordre. Et faire des économies en se débarrassant de la vieille garde, celle qui est issue du légendaire OSS. Il envisage même de licencier au moins 1000 agents. Et son adjoint, là, William Colby, il est d'accord avec Oui, oui, car Colby veut en profiter pour éliminer quelques-uns de ses ennemis à l'intérieur de l'agence. Ah oui. Un en particulier, James Angleton, le chef du contre-espionnage. Il me semble que nous avons déjà parlé de ce personnage, non ? Oui, nous en reparlerons certainement, car ce personnage a joué un rôle considérable dans la lutte anti-soviétique. Mais je reprends, si vous permettez. Mm-hmm. Dès que Schlesinger, qui vient à peine d'être nommé à la tête de la CIA, apprend que l'agence risque d'être compromise, il prépare une ligne de défense. Oui, mais comment peut-il agir ? Ben, il envoie une lettre à tous les agents en leur demandant de lui signaler tous les actes illégaux de la CIA dont ils ont eu connaissance. Ça me paraît, un peu naïf. Pourquoi ? Parce que vous pensez que ces types de la CIA ne prendront pas le risque de se dénoncer eux-mêmes ? Ben oui. Vous avez sans doute raison. Alors, il faut tenir compte de l'état d'esprit qui règne alors à l'anglais. La vieille garde se sent menacée par les licenciements envisagés par Schlesinger. Et d'une certaine façon, elle va se venger en révélant à son patron quelques-unes des turpitudes de la CIA. Et il y en a un bon paquet. Par exemple ? Bon, n'allons pas trop vite. Ça, je m'y attendais. C'est que vous me connaissez trop bien maintenant. Oui. Enfin, il en résulte un gros dossier de plusieurs centaines de pages que l'on va appeler, avec un humour douteux, les bijoux de famille. Un dossier remis à Schlesinger ? Non, il est déjà parti. C'est Colby qui en hérite. Autant vous dire que le nouveau directeur de la CIA, vétéran de l'agence, n'est pas trop étonné par le catalogue des bijoux de famille. Oui, d'accord, mais enfin, la question c'est, que va-t-il en faire ? Autant vous le dire tout de suite, c'est un des grands mystères de cette affaire. En effet, William Colby aurait pu se contenter de faire parvenir ce rapport au président, à charge pour Richard Nixon d'en faire l'usage qu'il voulait. Mais attendez, avant d'aller plus loin, vous me parlez des turpitudes de la CIA, mais l'agence était soumise à l'autorité des présidents qui se sont succédés à la Maison-Blanche depuis sa création. En principe, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Bon, nous avons souvent évoqué ce sujet. Il arrive assez rarement tout de même qu'un service d'espionnage prenne des initiatives sans en référer préalablement à l'exécutif. Et en le mettant après devant le fait accompli. Exactement. C'est arrivé chez nous aussi. Mais la plupart du temps, c'est l'exécutif qui commande. Bien sûr, si l'opération envisagée est sale. Sale, c'est illégal, on veut dire. Oui, enfin, bon. Dans ce cas, on ne trouvera jamais une preuve écrite incriminant le donneur d'ordre. Oui, ça se passe oralement, quoi, c'est ça. Et puis, on suggère, on insinue, on donne les grandes lignes. Après, c'est à l'exécutant de se débrouiller. Ouais, et d'assumer les risques éventuels. Oui, mais enfin, ça n'exonère nullement le donneur d'ordre. C'est lui qui demeure fondamentalement le responsable. Très bien, j'ai compris, alors. Alors, j'imagine que dans le rapport dit des bijoux de famille, il devait y avoir des actions entreprises par la CIA sous le règne de Richard Nixon. Ça me paraît évident, oui. Ouais. Et Nixon, qui avait déjà essayé d'étouffer par tous les moyens, le scandale du Watergate, ne devait pas être très pressé de donner une quelconque publicité à ce rapport. Oui, là, vous avez vraiment raison. Mais en août 1974, Nixon est poussé à la démission. C'est son vice-président, Gerald Ford, qui lui succède. Ouais, il hérite du rapport, alors. Non, il n'en a pas communication. Alors, c'est toujours Colby qui le détient ? Oui, et le nouveau patron de la CIA va en faire un curieux usage. Du comité, une petite entité parmi les sommités, fallait céder du KGB, connecter le comité, créer une équipe soudée, tout préparé chez les RG. Okay. Aéroport, opération Condor, pour changer de décor avec un faux passeport, encore business class, costume classe, sur place, directive de l'État et des contrastes. Mais le mal à mal, aide-toi du premier réseau, appelle Kissinger, Kadhafi, Fidel Castro s'il le faut, les pros du commando de Monaco, expert en pyro, pivot héros de feu à Waco, gazelle, hélicoptère, feu vert de Rockefeller, puis jette le cellulaire, sinon it's over. Je suis en mission pour mon gouvernement, force de subversion, 11e commandement. Quelques buildings, j'ai la rose blanche quand j'entre dans la limousine, tout est clean, discrétion de rigueur, je mate le rétroviseur, pas de cop undercover. Savent-ils qu'ils sont déjà captifs? technique de Cardiff, minoritaire actif, explosif, veto, parole folle, cas d'école, plus d'avocats, ils sont déjà guacamole. Je connais le danger, depuis le sommet d'Angers, le camp secret d'Angers, manger puis vite danger, pointe non-retour, ils vont faire leur plan, brief psychologique, 11e commandement. À la CIA, la cellule 33, la mafia de Détroit, ma classe 3 à Yalta. Un cellulaire allumé, la limousine est repérée, activité du Capitole jusqu'à l'Elysée. Opération pickpocket bouclée, je saute en marché, bye bye, protection rapprochée. Code 8, on piste ma fuite par satellite, l'élite panique, l'hélico vole vers la Jamaïque. Le hic, l'explosion, taupe indiscrétion, mais l'évaporation s'est faite dans un camion. Lumière, caméra, non, pas de télévision, secret des Défense action, 11e commandement. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour bien comprendre cette affaire, il faut se resituer dans le climat de l'époque aux États-Unis. Jean Guinel, un des meilleurs experts en matière d'espionnage et de défense, écrit ceci dans son dernier livre, La citadelle endormie, faillite de l'espionnage américain. Le 9 août, le président Richard Nixon a démissionné pour éviter que la Chambre des représentants lui interdise d'exercer ses fonctions à la suite de l'affaire du Watergate. Les pratiques délictueuses mises au jour pour la première fois en août 72 par deux journalistes du grand quotidien de la capitale, le Washington Post, ont mis l'Amérique en état de choc. Dans un invraisemblable Niagara de révélations toutes plus ahurissantes les unes que les autres et qui avaient duré plusieurs mois, les citoyens abasourdis avaient appris que des cambrioleurs commandités par l'équipe de Nixon s'étaient rendus durant la campagne dans le bâtiment abritant les locaux électoraux du candidat démocrate, l'immeuble du Watergate. Le départ du président déshonoré n'eut pourtant pas les effets calmants escomptés par la classe politique, mais déclencha tout au contraire un accès de vertu publique sans précédent, assorti d'une campagne de nettoyage qui allait viser des pans entiers de l'administration américaine, mais surtout sa communauté du renseignement. Le livre de Guinel est paru chez Fayard en 2002. Et c'est donc une véritable bombe que détient Colby avec ce rapport sur les bijoux de famille. Et vous me dites qu'il va en faire un usage curieux. Oui. Au lieu de communiquer ce rapport au nouveau président, il prend contact avec un journaliste, et pas n'importe lequel. Seymour Hersh, qui travaille au New York Times, a obtenu le prix Pulitzer pour avoir révélé le massacre de My Lai au Vietnam. Oui, oui, un massacre de civils perpétré par une unité américaine. C'est hein, exact, c'est ça. Oui. Et si Colby approche Hersh, c'est uniquement parce que c'est un journaliste très connu ? Non. Non, Colby sait que Seymour Hersh enquête sur la CIA. Ah bon, il a peut-être entendu parler du rapport sur les bijoux de famille, c'est... Vraisemblablement, mais lorsque Colby le rencontre, il ne connaît pas la teneur du rapport. Alors, Colby, patron de la CIA, va l'en informer. Exactement. Oh bah c'est... Pardonnez-moi, mais ça me paraît tout de même incroyable. Oui, oui. Oh bah, il ne va pas tout lui dire tout de suite, mais il lui révèle des faits tellement graves que lorsque le New York Times publie l'article de Hersh à la fin 74, ça fait quand même l'effet d'un coup de tonnerre aux États-Unis. Mmh. Alors, vous pouvez peut-être maintenant quand même me dire ce qu'il y avait dans cet article retentissant. Ben, il y était essentiellement question de l'opération Chaos. Chaos comme chaotique. Oui, ouais. Un nom de code donné à une formidable opération d'espionnage et de fichage par la CIA de milliers de citoyens américains. Or, selon la charte de la CIA, il était interdit à l'agence d'exercer des activités d'enseignement à l'intérieur des États-Unis. Sauf, bien sûr, lorsque des citoyens américains étaient en contact avec des espions étrangers. Oui. Cette opération Chaos hein, était donc parfaitement illégale, selon vous. Parfaitement. Bien. Alors, avant de revenir sur le fond de l'affaire, expliquez-moi pourquoi le directeur de la CIA, William Colby, prend cette curieuse initiative, pour reprendre votre expression, de contacter le journaliste Seymour Hersh, et de tout déballer. Ah, pas tout, je vous le rappelle. Ouais, enfin, suffisamment quand même pour provoquer un véritable scandale. C'est juste. Alors pourquoi ? Eh bien, Colby veut absolument se débarrasser de ce Angleton dont je vous ai parlé. Mmh. Or, James Angleton a été l'un des pilotes de l'opération Chaos. Ah oui, alors, en rendant public ses actes illégaux, Colby veut le conduire jusqu'à la sortie. C'est certain. Mmh. Les deux hommes se détestent. Mais Angleton, déjà mis sur la touche, ne veut pas quitter l'agence. Par conséquent, il faut le contraindre à partir. Je bien, mais ça me paraît disproportionné, non? On ne met pas une pagaille noire dans un service secret simplement pour virer un type. Oui, là, bon, je suis ravi de constater que vous partagez mes doutes. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Bien évidemment. Mais vous me permettrez de ne pas en parler tout de suite. Il faut d'abord que je vous raconte par le menu le déroulement d'une affaire qui va prendre des dimensions incroyables et jeter l'opprobre sur la CIA, mais aussi sur l'ensemble des services secrets américains. Puis, disons-le tout de suite, dans l'ordre d'importance des turpitudes reprochées à la CIA, l'opération Chaos semble presque ressortir du péché véniel. Ouais, admettons-moi. Il faut quand même m'expliquer de quoi il ressort. Volontiers. Et pour bien comprendre Chaos, je dois revenir un petit peu en arrière, si vous le permettez. Il faut d'abord savoir que, malgré la charte qui régissait en principe ses activités, la CIA agissait depuis longtemps à l'intérieur même des États-Unis. Ça avait commencé dans les années 50. Et ça s'était amplifié sous Kennedy. L'agence avait alors installé des dizaines de bureaux clandestins dans les grandes villes américaines. Mais avec quel objectif, alors ? Traquer, en principe, tous les étrangers susceptibles de se livrer à des activités anti-américaines. Ça, c'était le rôle du FBI, non ? En principe, oui. Mais la CIA ne voulait pas être en reste. C'était le temps de la guerre froide, ne l'oublions pas. Dès cette époque, les agents de la CIA ont procédé à des actes parfaitement illégaux. Écoute clandestine, ouverture systématique du courrier, etc. Enfin, c'est en 67, à l'initiative du président Johnson, que l'opération Chaos a vraiment démarrer. Oui. À l'époque, quel est son but ? Johnson est alors alarmé par l'ampleur grandissante des manifestations pacifistes contre sa politique au Vietnam, surtout dans les milieux universitaires. Et il demande donc alors au directeur de la CIA de l'époque, Richard Helms, de lui fournir des informations sur les meneurs du mouvement. Mais encore une fois, pourquoi ne fait-il pas appel au FBI ? Bien parce que le président Johnson est persuadé que ce sont les communistes qui fomentent cette agitation. Alors, les communistes et donc l'URSS. Forcément. Ça, hein. Par conséquent, il confie cette tâche à la CIA. À charge pour elle de produire la preuve que les manifestants sont manipulés par les communistes. Et c'est ainsi donc qu'est née l'opération Chaos. La direction de la CIA a constitué un groupe très secret au sein de la division contre-espionnage et ses membres ont commencé à espionner les principaux militants du mouvement pacifiste. Résultat ? Rien. Ou presque. La protestation contre la guerre américaine au Vietnam n'était nullement orchestrée par l'étranger. Mais alors on aurait pu rester là ? Oui, mais lorsque Richard Nixon est arrivé au pouvoir au début de l'année 69, le directeur de la CIA a remis à son principal conseiller, Henry Kissinger, le rapport établi par le groupe Chaos sur l'agitation donc de la jeunesse américaine. Et Kissinger a trouvé ça très intéressant. Bien qu'il n'y ait pas la preuve de la collusion avec les communistes. Ouais, les types de la CIA avaient très bien travaillé. Les leaders étudiants ou ceux des mouvements radicaux étaient tous mis en fiche. On n'ignorait rien de leurs relations, de leur vie intime, de leurs faiblesses éventuelles. Songez qu'au terme de l'opération Chaos, la CIA aura constitué un fichier de 300 000 noms. Et si Kissinger a trouvé ça intéressant, c'est parce que ce fichier permettait de contrer ces contestataires ? Bien sûr. Et en parfait accord avec Nixon, il a demandé au directeur de la CIA de continuer à espionner les étudiants radicaux. Tout en sachant qu'on violait ainsi les grands principes de la démocratie américaine. Parfaitement. Richard Helms, le directeur de la CIA, a bien essayé de mettre en garde Kissinger, mais les ordres de Nixon étaient formels. Et Helms devait obéir ou se démettre. C'est ainsi que l'opération Chaos a continué avec son lot d'écoutes téléphoniques, d'ouvertures de courriers, d'infiltrations et même de cambriolages. De cambriolages. Bien entendu. Des agents de la CIA n'ont pas hésité à s'introduire dans les appartements ou les bureaux de ces meneurs étudiants. L'agence avait des spécialistes pour ce genre de travail. J'imagine. Enfin, c'est donc, alors, fin 74, c'est ça, que Seymour Hersh, informé par William Colby, publie son article sur l'opération Chaos. Et je vous l'ai dit, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre. Et d'abord à la Maison-Blanche, où Gerald Ford découvre l'information comme n'importe quel autre citoyen américain. Ouais, effectivement. Et comment réagit-il alors ? Il espère d'abord que le directeur de la CIA va aussitôt publier un communiqué pour démentir les assertions du journaliste. Parce qu'il lui-même ne croit pas à la réalité de l'opération Chaos. Évidemment. Nixon s'est bien gardé d'informer son vice-président sur un sujet aussi délicat et une entreprise aussi illégale. Mais Ford doit rapidement déchanter. Colby ne peut pas démentir parce que tout ce qu'a écrit Hersh est vrai. Et le patron de la CIA se décide à transmettre enfin à la Maison Blanche le fameux rapport sur les bijoux de famille. Oui. Si je calcule bien, ça fait 6 mois après l'entrée en fonction du président Ford. Hein. Oui, et le président découvre avec effarement les autres turpitudes commises par la CIA. Thank you. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a choisi d'évoquer ici les opérations illégales de la CIA. Mais l'autre grand service secret, le FBI, agit de même. Intel Pro pour Counter Intelligence Program a permis au FBI, dirigé alors par le terrible John Edgar Hoover, d'espionner des centaines de milliers de citoyens américains. Le journaliste David Wise, dans son livre « L'État espion », peut ainsi écrire « Dans le cadre de ce programme, un organe secret du gouvernement des États-Unis, utilisant l'argent du contribuable, harcelait des citoyens américains et cherchaient à désorganiser certaines de leurs formations en employant tout un éventail de moyens clandestins. » Ainsi que la commission de la Chambre des représentants sur le renseignement le soulignait, en conclusion de l'étude qu'elle effectua sur Co Intel Pro, on ruina des carrières, on brisa des amitiés, on souilla des réputations, on poussa à la faillite des entreprises et dans certains cas, on mit des vies humaines en danger. Et plus loin, Wise écrit encore, le problème, c'est que le FBI, en infiltrant et en espionnant certains groupes choisis à l'avance de la société américaine, s'est arrogé lui-même le droit de devenir une police de la pensée. Il a décidé quel groupe était légitime et quel groupe était dangereux pour la République, mais cela en fonction des critères du FBI. Il a pris position dans les conflits sociaux et politiques des années 50 et 60 en décidant par exemple que ceux qui s'opposaient à la guerre du Vietnam ou ceux dont la peau était noire seraient des cibles du FBI. Et comme le FBI agissait secrètement, il dénaturait le processus politique normal en menant des actions clandestines contre certaines formations et contre certains individus. En bref, le FBI jouait le rôle classique d'une police politique secrète. Alors, que découvre Gerald Ford en lisant le rapport sur ces fameux bijoux de famille ? Et la liste des exactions de la CIA est assez impressionnante. Bon, laissons de côté l'opération Chaos dont nous avons suffisamment parlé. Le reste est encore plus grave et assez effrayant. Il concerne toutes les administrations qui se sont succédées depuis 1947. L'agence a, par exemple, organisé des assassinats ou des complots contre plusieurs chefs d'État étrangers. Qui ? Lumumba, Trujillo, Arbenz, Mossadegh, Allende, le général chilien Schneider et bien sûr Fidel Castro qui a été l'objet de 8 tentatives d'assassinat avec les techniques les plus diverses et les plus rocambolesques. La CIA avait même envisagé de piéger l'un de ses cigares ou encore de lui offrir une combinaison de plongée empoisonnée. Oui, nous avons déjà évoqué toutes ces affaires et vous-même vous m'aviez déjà dit que la CIA était mêlée à toutes ces affaires. Hein. D'accord, mais là, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est la CIA qui reconnaît elle-même sa culpabilité. Effectivement. Qu'y a-t-il d'autre ? Dans les bijoux de famille figurent aussi les travaux sur les poisons. Les laboratoires de la CIA produisaient de redoutables poisons. Et les avaient parfois expérimentés sur des hommes. L'un d'eux, un homme de l'agence, s'était même suicidé après qu'on lui eût fait ingurgiter une boisson additionnée de LSD, autre chose. La CIA avait produit aussi un film porno avec un sosie du président indonésien Sokarno. Pour le compromettre. Naturellement. Oui. L'agence avait aussi fourni des femmes à de nombreux chefs d'État étrangers. Je vous fais remarquer que le KGB n'agissait pas autrement. Oui, c'est certain. Mais le président Ford, avec une naïveté vraie ou feinte, n'imaginait pas qu'un organisme officiel américain puisse utiliser de tels procédés de voyous. Oui. Mais Ford a ce rapport-là, que peut-il faire ? Seymour Hersh a déjà sorti l'opération Chaos. Il est probable qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin et qu'il déterrera d'autres secrets. Ouais. Est-ce que Ford sait que c'est le directeur de la CIA qui a mangé le morceau ? Probablement, parce que désormais les deux hommes vont agir de concert. Écoutez bien. Dans un premier temps, Ford décide de créer une commission présidée par le vice-président Nelson Rockefeller afin d'examiner les allégations de Seymour Hersh sur l'opération Chaos. Un contre-feu. Ça lui ressemble. Mais quelques jours plus tard, il se conduit lui-même de façon étrange. Recevant à déjeuner à la Maison-Blanche quelques grands journalistes, il évoque très naturellement l'affaire. S'il n'avait pas fait les journalistes, on en aurait parlé. Hein. C'est évident, mais enfin, attendez la suite. Ford précise que la commission Rockefeller ne doit enquêter que sur les activités de la CIA à l'intérieur des États-Unis. Et il a personnellement veillé à ce que l'on s'interdise de fouiller dans le passé de l'agence. En effet, ajoute bizarrement le président, si les membres de la commission s'avisaient de déborder du cadre de leur mission et risqueraient de découvrir des choses embarrassantes pour ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Ouais, vous ne pouvez pas mieux faire hein, pour éveiller la curiosité des journalistes. N'est-ce pas ? Alors aussitôt, ses invités l'assaillent de questions. De quoi donc le président veut-il parler? Répond. Oui, et il parle d'assassinat. D'assassinat à l'étranger, donc, non? Ah, ça, Ford ne précise pas. Une question, avant d'aller plus loin, là. Cette conversation était-elle off? En principe, oui. Enfin, il était évident qu'une information d'une telle importance transpirerait un jour ou l'autre. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une gaffe présidentielle, après tout? Ford était coutumier du fait. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je vous assure, et c'était aussi la conviction d'agents de la CIA que je connaissais très bien, que le président avait sciemment donné cette information à ses invités. Ça faisait donc partie d'un plan? J'en suis persuadé. Alors, quel plan? Ah bah écoute, un petit peu de patience. Quelques semaines plus tard, Colby rencontre un journaliste de CBS. Ouais, le directeur de la CIA entretient beaucoup de relations avec la presse. Hein. Ça vous frappe, vous aussi? Bon, ce journaliste est au courant de la conversation qui s'est tenue à la Maison-Blanche et tout de suite, il interroge Colby. Le patron de la CIA ne se dérobe pas, il confirme. Et il ajoute, mine de rien, en tout cas, ces assassinats n'ont pas eu lieu aux États-Unis. Ce qui permet aux journalistes d'affirmer à la télévision que si l'on poussait un peu trop loin les enquêtes en cours, on découvrirait que la CIA a perpétré des assassinats de dirigeants étrangers. Nouvelle bombe. Et nouveau scandale. La Chambre des représentants et le Sénat se saisissent de l'affaire et nomment à leur tour des commissions d'enquête. À partir de ce moment, il est clair que le rapport sur les bijoux de famille sera tôt ou tard rendu public. Et ce sera effectivement le cas. Alors là, c'est le grand déballage. Oui, et les Américains sont scandalisés lorsqu'ils découvrent les turpitudes de la CIA. Mais est-ce que ça débouche sur des inculpations? Enfin, Nixon, par exemple, pourrait être inquiété. Il ne le sera pas parce qu'il n'existe aucune preuve formelle contre lui. Et puis disons que les parlementaires n'ont pas voulu aller trop loin. Sur la responsabilité des différents occupants de la Maison-Blanche dans les assassinats ou tentatives d'assassinat de dirigeants étrangers, la commission du Sénat conclura qu'aucun président ne pouvait être impliqué. Pourtant, des agents de la CIA auraient pu témoigner. Hein. Ils ont effectivement témoigné. Et dans un bel ensemble. Ils ont tous affirmé qu'aucun d'entre eux n'avait jamais reçu un ordre formel du président de mener à bien des assassinats. En fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la Maison-Blanche procédait par allusion, par circonvolution. Et je ne sais plus qui, au cours d'une audition, a fait référence au roi Henri II. L'assassinat de Thomas Becket. Ah, je vois que vous connaissez bien votre histoire. Henri II n'a jamais commandé de tuer Becket. Mais un jour, il s'est exclamé devant ses proches, « Qui donc me débarrassera de cet évêque turbulent ?» Et ça a suffi. En effet. Et revenons à l'époque contemporaine, il n'y a pas eu de sanctions alors? Un homme a quand même été mis sur la sellette, Richard Helms, l'ancien directeur de la CIA sous Johnson et Nixon. Il a été entendu à plusieurs reprises par les deux commissions d'enquête parlementaire. Mais il a toujours refusé de répondre aux questions précises qu'on lui posait. Pourtant, il y avait ce rapport sur les bijoux de famille. Oui, mais Helms a répondu invariablement qu'il était tenu par le serment qu'il avait passé le jour où il était devenu directeur de la CIA. Le serment de ne jamais révéler les secrets de l'agence. Il a tenu bon. Oui, jusqu'au bout. Ça lui a valu d'être inculpé pour faux témoignage puisqu'il avait préalablement juré de dire toute la vérité. Cependant, et là nous touchons au véritable secret de cette affaire, le président démocrate qui avait succédé à Gerald Ford, Jimmy Carter, l'homme aux mains propres, a tout fait pour que le procès n'ait pas lieu et qu'un arrangement amiable soit passé entre Helms et le département de la justice. Et ça a été effectivement le cas? Il y a eu pas mal de péripéties, mais au bout du compte, Helms a été condamné à $2,000 d'amende et à 2 ans de prison avec sursis. Oui, une très faible condamnation. Surtout, il n'y a pas eu de vrai procès. Un procès au cours desquels Helms, pour se défendre, aurait pu faire des révélations très embarrassantes. Ouais. Alors Carter lui-même voulait que l'ancien directeur de la CIA, hein, c'est ça, garde le silence. Alors qu'il avait promis aux Américains que sous sa présidence, on laverait plus blanc. Bon, ça fait un moment là que vous tournez autour du pot. Que se cache-t-il derrière tout cela? Vous pensez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que Schlesinger et Colby, les deux directeurs successifs de la CIA, ont commandé ce rapport sur les bijoux de famille. Mais il savait que tôt ou tard, après la désastreuse aventure du Watergate, un scandale touchant la CIA éclaterait. Ils ont donc pris les devants. Ouais, soyez plus précis. Le rapport sur les bijoux de famille, c'était le rapport sur les mauvais secrets. Mais il restait à protéger les bons secrets, ceux qui ne devaient jamais être révélés. Ouais, une opération à dos de fumée, quoi. En quelque sorte. On donnait en pâture à l'opinion publique et aux parlementaires un plateau bien assaisonné de turpitudes commises par l'agence. Mais on gardait par-devers soi toute une autre série de secrets. Alors, dites-moi, là, que voulait-on cacher? Enfin, le savez-vous? Avec certitude, non. Non, mais enfin, on peut faire des hypothèses. L'une d'elles, en particulier, m'a toujours semblé séduisante. La CIA et c'était mentionné par le fameux rapport sur les bijoux de famille, avait à plusieurs reprises utilisé à son service des chefs de la mafia. Oui, pour tenter de tuer Castro. Oui, mais enfin, ça n'est qu'un exemple. La mafia en voulait beaucoup à Kennedy, qui n'avait pas respecté les engagements pris avant son élection. Imaginez que les durs de la CIA, qui n'appréciaient pas non plus la politique de Kennedy, aient fait alliance avec les chefs de la mafia pour assassiner le président. Ça, c'était un secret qui méritait qu'on fasse beaucoup d'efforts pour le protéger. Je laisse bien sûr à M. X la responsabilité de ce dernier propos. Mais, pour terminer, je voudrais citer quelques lignes d'un ouvrage écrit en 1979, c'est-à-dire après que les commissions parlementaires américaines eurent recommandé un contrôle plus strict du fonctionnement de la CIA. Je cite. Il n'est pas impossible qu'après une ou deux années d'efforts sceptiques, la commission de contrôle du Sénat sur le renseignement devienne à son tour un cercle restreint de politiciens décidant du rôle des États-Unis dans le monde et protégeant les secrets d'aujourd'hui comme leurs prédécesseurs protégèrent ceux d'hier. Le refus du gouvernement Carter d'abandonner les poursuites contre Richard Helms était en quelque sorte le gage qu'il agirait différemment. Mais la Maison-Blanche démontrait en même temps qu'elle craignait une nouvelle vague de révélations. La question est fort complexe. Quelle fut la raison fondamentale de cette modération ? Un souci d'équité à l'égard de Helms ? Un refus prudent de se lancer dans un procès que le gouvernement pouvait perdre, un sentiment de sollicitude à l'égard d'une agence complètement démoralisée. Cet extrait est tiré du livre de Thomas Powers, Les secrets bien gardés de la CIA, publié en France chez Plon, et il est plus que jamais d'actualité. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et même télécharger des émissions plus anciennes.